au fil de l'eau avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bienvenue dans votre chronique au fil de l'eau sur Fadjet. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes chargé d'études développement du loisir pêche pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et ce mois-ci, eh bien, on va s'intéresser, on va découvrir un peu comment a évolué le matériel, la pêche en 2018. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, tout à fait. La pêche, maintenant, c'est moderne. Hein. On n'est plus avec sa canne en bambou et son fil en crin de cheval, parce que c'était fabriqué comme ça avant. On a à notre disposition, en fait, effectivement, des nouvelles technologies qui ont apporté dans les matériaux, les outils qu'on utilise, certaines formes de performance. Hein. Et tout ça pour, effectivement, rechercher de l'efficacité dans notre pratique de pêche. L'outil est au service d'un but qui est effectivement attraper un poisson, même si la pêche c'est aussi se faire plaisir au bord de l'eau et avoir un petit peu le nez au vent. Ouais. En termes d'outils, voilà, on utilise des nouvelles technologies et des nouveaux matériaux pour être efficace. Voilà. Le bon matériel, on a l'habitude de dire que c'est celui qu'on oublie en action de pêche. D'accord, donc il ne faut pas que ce soit trop lourd, trop... Voilà, on a de la légèreté, on a de la fluidité dans les mouvements, je pense au roulement à billes des moulinets notamment, mm-hmm. qui apporte vraiment une fluidité dans le mouvement qu'on peut avoir, des cannes en carbone avec des nano-résines très légères, des leurres artificielles quand on parle de pêche au leurre, avec un réalisme qui est maintenant hallucinant. Il y a des tresses, il y a des lunettes polarisantes qui permettent d'éliminer les reflets à la surface de l'eau pour mieux voir les poissons. On peut avoir des bateaux téléguidés pour apporter sa ligne à un point précis avec un GPS. C'est vraiment relié au smartphone. Il n'y a pas des drones encore, non ? Bientôt. Et, des détecteurs de touches dans lesquels on fait passer le fil dès que ça part, ça bip. Enfin voilà, il y a beaucoup de nouveaux matériels comme ça qui est arrivé depuis une dizaine d'années que les pêcheurs utilisent pour, encore une fois, augmenter leur efficacité. Peut-être du matériel qu'on va retrouver au pied du sapin aussi. Effectivement, il y a de tout. Alors effectivement, c'est aussi du matériel performant et très haut de gamme qui a un certain coût. Justement, pour des pêcheurs. Quand vous parliez de cannes en carbone, tout ça, ça doit quand même avoir un certain coût. Ça a un certain coût. Alors on peut noter aussi un gros effort sur le rapport qualité-prix. Maintenant, on trouve du matériel qui est de très bonne facture à des prix qui sont tout à fait abordables. Ça commence à partir de quel tarif ? Pour une bonne canne à pêche, à partir de 40-50 euros, on a une canne à pêche qui est très performante. Après, on a des cannes à pêche qui coûtent jusqu'à 800 ou 1000 euros. Mais là, c'est toujours pareil. On paye aussi une marque, un standing, une qualité de finition et des produits très haut de gamme. Et c'est pas plus fragile ? Ça reste assez fragile, ouais. C'est d'autant plus fragile que c'est cher, donc on y fait d'autant plus attention. Effectivement. On poursuit bien sûr avec cette évolution. Est-ce qu'il y a des choses un peu farfelues qui existent aussi ? Alors, on a vu sortir certaines choses un petit peu rigolotes, effectivement. On peut penser à, il y a des inventeurs qui ont proposé des machines à faire des nœuds. Voilà, le pêcheur... C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on dit ça. C'est pas toujours évident, hein. On apprend avec ses mains et ses doigts, mais on n'a jamais rien fait de mieux pour l'instant que la main humaine pour faire les nœuds, parce qu'on manipule des fils de nylon qui font quelques dizaines de millimètres. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment très fin. Et voilà, mais il y a eu des machines comme ça à faire des nœuds sur les hameçons, il y a eu des attractants spéciaux qu'on peut pulvériser sur les leurres pour augmenter leur efficacité olfactive dans l'eau. C'est toujours pareil, il y a du marketing, après il y a beaucoup de, voilà, les produits aussi, les fabricants attrapent déjà des pêcheurs, mais c'est vrai qu'on peut quand même noter une certaine forme d'efficacité où il y a quand même quelque chose qui peut être cohérent là-dedans. D'accord, donc ça c'est un peu pour le matériel, il y a autre chose qui a évolué pour faciliter le pêcheur au quotidien ? Alors effectivement, hein, les nouvelles technologies, c'est Internet, les smartphones, les réseaux sociaux, etc. Les pêcheurs l'utilisent, les structures associatives qui gèrent la pêche de loisirs aussi les utilisent pour leur communication. C'est plus facile maintenant de préparer une partie de pêche parce qu'on peut aller sur Internet se renseigner. On a toute une forme de cartographie interactive qui existe pour savoir où est-ce qu'on a le droit, où est-ce qu'on n'a pas le droit de pêcher. Ça, c'est bien pratique, ça. C'est très pratique. On peut acheter maintenant même sa carte de pêche sur Internet, hein, directement en payant en ligne. Et puis, à l'issue d'une partie de pêche, on peut partager ses belles prises, ses belles photos, échanger avec la communauté des pêcheurs, des passionnés, rencontrer des nouvelles personnes via des forums et créer des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, des nouvelles histoires de pêche à partager. On attrape un poisson, on le prend en photo, on le partage sur les réseaux sociaux, on le remet à l'eau directement. Voilà, la pratique du no-kill, hein, se fait de plus en plus. C'est aussi grâce à au fait que tout le monde a un smartphone quasiment maintenant dans la poche. Donc on prend une photo du poisson et on le partage ou pas, on peut rester secret, mais au moins on garde le souvenir dans le, ce qu'on appelle le panier numérique maintenant. Pour la Meurthe-et-Moselle, il y a une application qui existe ou c'est essentiellement le site internet? Comment ça se passe? Alors, il y a le site internet de la fédération donc, qui est www.pêche-54.fr pour préparer ses parties de pêche avec toutes les cartographies. Pour le acheter sa carte, c'est un site national qui s'appelle www.cartedepêche.fr. Et après, il y a des applications au niveau national. Il n'y en a pas une spécifiquement en Meurthe-et-Moselle, mais on peut penser à une appli qui s'appelle Fish Finder ou Fishing Manager, qui sont des applications voilà, qui mixent un réseau social de partage et un carnet de notes en fait, de prise de poisson qui enregistre automatiquement le climat, la lune qu'il y avait ce jour-là, etc. pour dégager une certaine forme de statistiques et garder des souvenirs, des conditions. D'accord. Que peut-on dire encore sur l'évolution de la pêche en 2018? Alors, la pêche continue, va continuer à évoluer avec son temps. Hein. Encore une fois, comme je le disais, c'est moderne. Ça vit. Les pêcheurs sont de plus en plus mobiles aussi maintenant. Ils n'hésitent pas à faire des kilomètres. Le fait qu'ils utilisent effectivement les réseaux sociaux, les informations vont assez vite. Et on peut aussi maintenant communiquer et se tenir vraiment bien au courant de ce qui se passe un petit peu partout dans le monde de la pêche. On parle un peu de l'actualité. On a parlé de la carte de pêche tout à l'heure. L'actualité pour ce mois de décembre, c'est que la carte de pêche 2019 est disponible. La carte est disponible depuis mercredi 12 décembre. Effectivement, les cartes de pêche 2019, une petite idée de cadeau de Noël, pourquoi pas. Alors, les tarifs, on peut en parler justement de ces cartes de pêche. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Donc, ça n'a pas augmenté cette année pour les cartes annuelles adultes, hein, personnes majeures, qui reste à 75 euros, valable donc du 1er janvier au 31 décembre 2019. On peut citer aussi la carte interfédérale qui permet de pêcher dans les autres départements et un petit peu partout en France sur les associations qui sont en réciprocité, qui elle-même coûte 96 euros, pareil, ça n'a pas évolué. Et puis on a des cartes journalières, temporaires, spéciales pour les femmes aussi, pour que le public féminin découvre un petit peu la pêche à un tarif promotionnel à 32 euros. Et des cartes pour les jeunes, donc moins de 12 ans à 6 euros et 12 à 18 ans, personnes mineures, qui coûtent 20 euros pour l'année. Voilà, ça peut faire un petit cadeau sympa pour Noël, pas cher et une belle découverte pour un gamin. Voilà, tout à fait. Donc, il y a les cartes de pêche, il y a le matériel. Encore une fois, moi, je voulais rajouter que le bon matériel ne fait pas non plus le bon pêcheur et ça remplacera jamais ce qu'on appelle donc le sens de l'eau, qui est ce petit mélange un petit peu subtil d'observation de la nature, d'analyse, d'expérience. C'est toute une alchimie avec l'instinct qu'on peut aussi avoir et puis ça, cette petite part de mystère des mondes aquatiques qui est si magique dans la pratique de la pêche. Ce que vous venez de dire, on le redécouvre dans un film qui vient de sortir, fait par la Fédération, ce partage, ce sens de la pêche. Tout à fait. Nous, on a sorti donc un film qu'on invite les gens à aller voir, qui est à destination du grand public. En plus, c'est pas du tout un film technique sur les parcours, les cartes de pêche, etc. Faut pas que ça fasse peur. C'est vraiment, je vous invite à aller voir ça sur notre site internet et ça montre justement le caractère transmissible de la pêche avec un grand-père et son petit-fils. Et c'est l'histoire en fait d'un enfant qui grandit au fur et à mesure et qui, à travers sa pratique de la pêche, partage des bons moments avec ses copains, avec sa copine, on peut le dire, en famille avec ses enfants quand il grandit et avec son petit-fils quand il redevient grand-père et la boucle est bouclée. C'est vraiment sympa, je vous invite vraiment à aller voir ça. Et le but, c'est vraiment de donner envie au grand public, aux gens qui ne sont pas forcément pêcheurs, d'empoigner une canne et d'y aller. Alors on diffusera ça un petit peu plus cet été parce que là il fait un petit peu froid, même si les vrais pêcheurs ils y vont quand même. Merci beaucoup, www.pêche-54.fr. Merci François Rouillon. Merci à vous, à bientôt. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.